Nicolas Poussin par Funk Brentano. Nicolas Poussin naquit à Villers, modeste hameau normand, peu éloigné des Andelys et qu'il domine du haut de son plateau. Paix du village aux besognes rustiques, le bétail, la basse-cour, la rentrée des blés et des foins. La maison même où l'artiste vit le jour n'existe plus. Du moins, on garde pieusement le souvenir de son emplacement, qu'on nomma longtemps Poussinière, aujourd'hui le Dos Poussin. Le père se nommait Jean, soldat de métier, qui avait passé la plus grande partie de sa vie à guerroyer sous les étendards de Charles IX, puis de Henri III, enfin de Henri IV, quand il vint s'établir à Vernon, où il fit connaissance de la veuve d'un procureur qui n'était plus de première jeunesse, mais jolie femme encore, accorte, bien bâtie, avec de belles épaules qu'elle portait allègrement. Marie de Lesmant. Jean Poussin la séduisit par son allure guerrière, son entrain, sa vigueur, l'éclat et l'entrain de ses histoires de soldats. Le couple vint nicher son bonheur parmi les bons laboureurs de Villers. On y avait un petit domaine et qu'on cultivait vaillamment quand vint au monde le petit Nicolas. Celui-ci, dès son jeune âge, témoigna d'un goût surprenant pour les arts du dessin. Il se trouva qu'aux Andelys vint travailler un peintre provincial qui allait de ville en ville en quête de commandes, portraits, enseignes d'auberges, chapelles à décorer. Il se nommait Quentin Varin et ne laissait d'ailleurs pas d'avoir du talent. Les Andelysiens le chargèrent d'orner les voûtes de leur église. Varin était à l'œuvre quand son attention fut attirée par un jeune garçon qui le regardait travailler avec des yeux de vache qui voit passer un chemin de fer. Il va le prendre en amitié et l'on imagine si la vocation de notre artiste en herbe en reçut un coup de fouet. Quel enthousiasme à la vue des belles choses qui peuvent naître d'un pinceau trempé dans de la couleur. Le peintre eut plaisir à donner des leçons au jeune homme. Enfin, en 1613, Nicolas étant sur ses 19 ans, vint à Paris. En la grande ville, il entra dans l'atelier d'un peintre d'origine flamande, Ferdinand Helle, portraitiste de réelle valeur, et dont les œuvres sont de nos jours encore fort estimées. Ferdinand Helle a été le véritable maître de Poussin, mais c'est surtout dans les cabinets du Louvre, à la vue des précieuses collections réunies par nos rois, que se forma le goût, classique dès le premier jour, du futur peintre des bergers d'Arcadie. Une heureuse fortune valut au jeune rapin la sympathie d'un certain Alexandre Courtois, qui fut successivement valet de chambre des reines Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Une erreur fréquente est de croire que les mêmes mots représentent les mêmes choses d'un temps à l'autre. Un valet de chambre pouvait être, au XVIIe siècle, un très noble et distingué personnage. On n'attachait à l'idée de domesticité aucune idée de servitude, ou, pour mieux dire, en ce temps, servir anoblissait. Ne nous y trompons pas. C'était là une très belle conception. Un valet de chambre portait l'épée, ce que ne pouvait faire un commerçant, tout millionnaire qu'il fût. Un concierge pouvait être un personnage de grande considération, comme le célèbre graveur Audran, concierge du Luxembourg. Courtois, tout valet de chambre qu'il était, gardait, en qualité de conservateur en chef, les trésors artistiques et la bibliothèque du Louvre. Il était érudit, homme de goût, numismate expert. On commet cependant une erreur en voulant faire de lui un savant mathématicien. Il ne tarda pas à démêler les facultés si rares du jeune Poussin et lui ouvrit les collections royales dont il avait la garde. La vue des célèbres gravures de Marc-Antoine, reproduisant l'œuvre de Raphaël, et les deux tableaux originaux du maître, Saint-Michel et la Sainte Famille, aujourd'hui au Louvre, furent pour notre ami Nicolas une éblouissante révélation. De ce moment, il ne rêva plus que d'aller à Rome, que le génie de Raphaël avait illustré. Le jeune artiste se met en route. Il franchit heureusement les Alpes, arrive à Florence. Hélas, faute de ressources, il doit rebrousser chemin. Une deuxième tentative est plus malheureuse encore. Il est arrêté à Lyon, mais arrêté au sens le plus étroit du mot, séquestré pour dette. Et Poussin de revenir à Paris, où, pour subsister, il se met à peindre des portraits, bien que ce fût pour la partie de son art pour laquelle il eut le moins de goût. On compte que certains petits maîtres, qui se disaient borgnes, posa devant le chevalet du jeune artiste une emplâtre sur l'œil gauche. Tel le représenta Poussin. Il revint quelques jours après, car l'image n'était pas terminée. L'emplâtre était sur l'œil droit. Poussin crut qu'il s'était trompé et corrigea son tableau. Mais voilà qu'à la troisième séance du modèle, l'emplâtre était revenu sur l'œil gauche. C'était évidemment très drôle, mais le peintre, après avoir ri de bon cœur, flanqua prestement le plaisant à la porte et effaça sa peinture. On a cru que cet épisode fut la raison déterminante de l'exode du peintre quittant sa patrie pour la ville éternelle. M. Émile Magne, au cours du beau et robuste volume qu'il a consacré au grand artiste, tout en inclinant vers l'authenticité de l'anecdote, estime que le départ de Poussin eut des motifs plus sérieux. Toujours est-il que le peintre arriva à Rome au printemps de l'année 1624. Il était dans sa 30e année. Les beautés de la ville éternelle n'auront jamais eu d'admirateur plus attentif, plus grave, et qui en démêlera mieux les éléments multiples que Nicolas Poussin. En compagnie de son ami, le sculpteur flamand François Duquesnoy, il allait, étudiant minutieusement les reliques laissées par l'Antiquité, en mesurant les détails, en appréciant les proportions. C'est l'Antinous, c'est l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, l'Hercule Commode. Culte de l'Antiquité où Poussin ira trop loin. Il en arrivera à négliger la nature vivante, à fermer les yeux sur les beautés sans nombre que lui offrait sa patrie et dont il aurait pu être l'incomparable interprète. Ses tableaux se composeront de personnages rappelant la statuaire antique beaucoup plus que la nature animée, passionnée, gracieuse ou vibrante, dont il aurait dû être le traducteur ému. Les peintres, ses contemporains, en feront déjà la remarque. Lebrun, notamment, qui fut de ses plus fervents admirateurs. Étudiant un de ses tableaux, la Manne, il retrouve les statues antiques dont le peintre s'est directement inspiré. Ce vieillard, s'entretenant avec un jeune homme, est le Sénèque de la Villa Borghese, et son interlocuteur est l'Antinous du Belvédère. Plus loin, une jeune femme ressemble fidèlement à la Diane d'Éphèse du Louvre. Or, comme le notait l'excellent érudit Henri Bouchot, ce que Rome présentait en fait d'antiquité était un art de décadence, décadence grecque et mauvaise imitation romaine. On ne connaissait encore ni la Vénus de Milo, ni la Victoire de Samothrace, ni l'Hermès de Praxitèle, ni les métopes du Parthénon. Quand le talent de Poussin s'y développa, Rome, l'Italie, ne connaissait plus aucun peintre de premier plan. Mais le goût des arts y demeurait très vif. Aussi, la réputation du peintre français ne tarda-t-elle pas à éclater et à s'affermir. Ses tableaux furent recherchés par les personnalités les plus en vue, et naturellement d'Italie. Sa renommée se répandit en France, où ses œuvres ne tardèrent pas à être recherchées autant qu'elles l'étaient à Rome. Bientôt, on ne se contenta plus de ses peintures, on voulut l'artiste lui-même à Paris. Louis XIII, Richelieu, le surintendant des bâtiments royaux, unirent leurs efforts. Au début de 1630, Poussin se laissa persuader. Il recevrait une pension annuelle de 3000 écus, ce qui ferait approximativement 100 000 francs de valeur actuelle. On lui offrait un logis en l'une des demeures royales et meublé par les soins du roi. Enfin, il était chargé de diriger la décoration de la grande galerie du Louvre, dont on entendait faire une œuvre d'art sans rivale. En 1640, Poussin revint donc en France, où il fut reçu avec transport. Richelieu l'embrassa, Louis XIII lui fit grand accueil à Saint-Germain. Enfin, on l'installa magnifiquement aux Tuileries, en un logis où tout fut ordonné en vue d'une existence confortable et pleine d'agréments. Les commandes affluent, mais aussi les difficultés. La situation prépondérante que le nouveau venu prenait dans le monde des arts faisait naître 1000 jalousies. L'architecte, les peintres évincés de la grande galerie faisaient sonner leurs griefs, montaient des cabales. Dans la droiture de son caractère, Poussin manquait de souplesse et d'entregent. Parmi ces difficultés, sans cesse renaissantes, l'existence lui parut lourde et chagrine, et il résolut de retourner en sa belle ville de Rome, où il jouissait du moins de la tranquillité et d'une considération unanime. On a constaté qu'en partant, le peintre aurait laissé à ses compatriotes, en guise d'adieu, un tableau représentant la vérité que le temps enlève et soustrait aux atteintes de la haine et de la calomnie. Il est très vrai que ce tableau a été peint par Poussin durant ses séjours à Paris. On peut le voir aujourd'hui au Louvre. Mais on oublie de dire que le tableau avait été commandé par Richelieu à l'artiste dès son arrivée. Il n'a rien à voir avec les griefs que Poussin pouvait avoir à formuler contre ses détracteurs. À Rome, où il est de retour en septembre 1642, Poussin retrouve toute la faveur dont il jouissait 2 ans plus tôt. Il habite le quartier de la ville nommé le Pincio, et les curieux, les amateurs d'art, savent qu'ils le rencontreront le soir aux environs de notre célèbre Villa Médicis, se promenant sur la place du Peuple ou sur la place d'Espagne, entouré de ses disciples, de ses camarades d'art et de gloire, parmi lesquels Gaspard Duguay, son fils adoptif, souvent appelé de ce fait Gaspard Poussin, et le merveilleux peintre de la lumière et du soleil, Claude Lelorrain. On écoutait le maître disserter de son art avec une autorité, une clairvoyance que nul n'a jamais surpassée. On le suivait, déambulant lentement, l'œil observateur, le long de la voie flaminienne, parmi les ruines antiques vernies par la mousse, dorées par le soleil. De temps à autre, le clair clapotis d'une source où chantait une lavandière. Au loin, les beaux horizons dont s'encadre le Tibre, et que nul n'a mieux illustré que Nicolas Poussin. Sa promenade favorite le long du Tibre est connue. De nos jours encore, on la nomme à Rome la promenade du Poussin. Au loin, la silhouette arrondie du château Saint-Ange, dominée d'une haute figure aux ailes éployées, une longue barque fait office de bac, transportant d'une rive à l'autre quelques passagers, sous les oliviers qui bordent la rive, un pâtre, au bonnet pointu, au long manteau effiloché, apparaît en pose sculpturale parmi ses chèvres noires ou blanches. Poussin était haut de taille. Il portait de longs cheveux noirs. Ses grands yeux, légèrement bordés de rouge, avaient une expression grave et profonde, sans cesse réfléchie. Il était d'une modestie rare, tout en conservant le sentiment de sa valeur. Son désintéressement étonnait ses amis. Combien de fois ne déclina-t-il pas le prix à lui offert par l'une ou l'autre de ses œuvres, l'estimant trop élevé? Son train de vie était des plus modestes. Philibien, qui le connut personnellement, raconte que le cardinal Massini était venu le voir dans son atelier, y trouva si grand intérêt qu'il ne le quitta qu'à nuit close. Poussin lui-même le raccompagna jusqu'à lui, tenant flambeau à la main. Et comme l'éminence romaine plaignait le peintre de ce qu'il n'eut aucun valet pour le servir, « Et moi, répliqua Poussin, je vous plains bien davantage de ce que vous en avez plusieurs. » La mort de sa femme, Anne-Marie Duguay, qui l'aimait tendrement, puis la maladie, la paralysie, assombrirent ces dernières années. Il mourut avec calme, paisiblement, comme il avait vécu, et dans cette atmosphère d'impressionnante sérénité que toute sa vie il avait conservée autour de lui. Funk Brentano.